L'affaire du coffret. 55e. أخيرا نادية خرجت من المستشفى على أمل أن لا تصبح عمياء دون انفعالات قوية كما قال لي الطبيب. لوكا، notre taxi est là. Viens. Nadia nous attend. Oui, oui, j'arrive. هيا بنا لنذهب نحو مغامرة جديدة. أنا متوتر جدا. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait cette moto? Anne, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, à Marseille? Aïe, aïe, aïe, il sera à l'hôpital avant nous. سيصل Jean-Pierre إلى المستشفى قبلنا؟ يجب إنقاذ نادية من براثنه. Et voilà le clos du Clairegard. Tenez, merci monsieur. À l'hôpital avant nous. Jean-Pierre, s'il te plaît, laisse-moi maintenant. Mais je m'occuperai de toi. On se mariera, tu ne peux pas être seul et aveugle. Écoute, c'est fini. Excuse-moi. Allez, va-t'en. C'est ce journaliste. Ah, le voilà. Calme-toi, Jean-Pierre. Nadia est encore malade. Salut alors. Mais attention, ce n'est pas fini. Nadia, ça va? Oh, quelle histoire. J'ai peur. Tu sais, à Paris, il voulait m'épouser. Te pousser? Non, m'épouser. Moi, la femme de Jean-Pierre. Je lui ai dit, laisse-moi du temps. Je ne l'aimais pas vraiment. لكن ماذا عن حديثها مع جون بيير في المتحف؟ أي لم تكن مؤامرة، كانت مجرد طلب للزواج فقط. كانت لنادية علاقة مع جون بيير، لكنها لا تحبه حقيقة. بالطبع. أتذكر الآن جيدا مغازلتنا أمام علبة المجوهرات. Oh, c'est plus que romantique. L'amour n'a pas de prix. فجأة وبالصدفة المحضة جون بيير كان هناك ومن المؤكد أنه رآنا. Lucas, à quoi tu penses? Rien, c'est ma mémoire. Bon, partons d'ici. Étienne, le commissaire Janin et Fabio attendent. Fabio? Fabio, mon contact du réseau Sud, pour le coffret. Nous aurons le temps d'en parler. Nous aurons? Oui, Lucas, plus tard. Viens. Plus tard? Ah, nous aurons le temps. أي سيكون لدينا الوقت. أتمنى أن يصدق كلامها ويتحقق ذلك، لأنني لا أريد أن أفقدها. أنا أحبها. À suivre.